أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام الأكملان والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على طب القلوب ودوائها محمد عليه الصلاة والسلام. الحمد لله الذي أنار لعباده بنوره المستنير، والصلاة والسلام على لواء العز والدين محمد الصادق الوعد الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، تقبل الله منا جميع أعمال الخير إن شاء الله. لونج الله سبحانه وتعالى بخير بيسو نتخو بخوفة محمد صلى الله عليه وسلم. Après vous avoir salué du salut de l'islam, salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, nous entrons sans plus tarder dans un sujet qui est vaste et qui est important. En demandant à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on sorte avec une nouvelle conception et avec une nouvelle estimation. La nouvelle conception et la nouvelle estimation de l'istighfar. Qu'on connaisse l'istighfar et qu'on ait une application avec connaissance de l'istighfar. Mais qu'est-ce que l'istighfar ? Ma huwa l'istighfar ? هل الاستغفار أن يتحرك اللسان بهذه الحروف القليلة فقط وأن يقول استغفر الله فقط؟ هذا هو الاستغفار، هذا هو الدرس، الكلام يدور على هذا فقط، على هذه الكلمات؟ بل أكثر من ذلك، بل أعمق من ذلك. الله سبحانه وتعالى جل جلاله وعم نواله شرف المستغفرين، أكرم المستغفرين، حيث أنه سبحانه وتعالى لما ذكر المستغفرين سماهم عباد. الله سبحانه وتعالى جل جلاله عما نواله يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. الله سبحانه وتعالى مع من يتحدث الآن؟ من يريد الغفران؟ ومن يريد أن يغفر له إلا المستغفر والتائب؟ هما اللذان يريدان ماذا؟ يرجوان رحمة الله وغفرانه سبحانه وتعالى جل جلاله. في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يسمي المستغفرين بذلك الاسم مرة ثانية، فيقول جل شأنه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله سبحانه وتعالى نطلب المولى سبحانه وتعالى في هذا المكان وفي هذه اللحظة المباركة أن يغفر لنا ذنوبنا. الله سبحانه وتعالى في مطلع هذه الآية يتكلم ويتحدث مع المستغفرين، فيقول لهم قل لهم يا محمد، قل يا عبادي. لما نقول بأنه شرف أن الله سبحانه وتعالى يذكر بعض الناس، الناس خاص الخواص، هؤلاء الله سبحانه وتعالى يسميهم بهذا الاسم الجليل والشريف، تخيل معي بأن هذا الاسم الله سبحانه وتعالى جل جلاله عما نواله استعمله في شأن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الوصف لعبادة، واستعمله كذلك في شأن عباد الرحمن، واستعمله كذلك في شأن الأنبياء عليهم السلام. فلما استعمله في نبينا محمد عليه الصلاة والسلام قال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. واستعمله كذلك في شأن الأنبياء، فقال في مطلع سورة مريم: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ماذا يفعل؟ إذ نادى ربه نداء خفيا. سيدنا زكريا عليه السلام يدعو ربه في خلوته، ليس لأحد أن يطلع عليه، أنا وحده الآن. فماذا يستخرج من هذا الأمر؟ الإخلاص. وهذا شأن الأنبياء كلهم مخلصون، ولذلك الله سبحانه وتعالى يسميهم بهذا الاسم العبودية، عبد، حيث أنه مخلص. الله سبحانه وتعالى جل جلاله سماه زكريا عليه السلام، وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم، المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام: إنه من عبادنا المؤمنين. لماذا الله سبحانه وتعالى سماهم بهذا الاسم؟ لأنهم مخلصون. وكذلك الله سبحانه وتعالى سمى المستغفر وشرفه بهذا الاسم، لأن حين استغفاره لما استغفر ربه ولما رجع إلى ربه كان مخلصا، ولهذا الله سبحانه وتعالى سماه بهذا الاسم، حين رجوعه كان مخلصا. وباسم هذا الإخلاص الله سبحانه وتعالى رفع شأنه ورفع مقامه ورفع ذكره في القرآن. حيث أنه قال: نبئ عبادي، وقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الله سبحانه وتعالى يحرمنا ويحرم لنا أن نكون من القانطين. سيدنا جبريل عليه السلام يحرم لنا كذلك، وكذلك إبراهيم عليه السلام، نبينا إبراهيم الخليل عليه السلام يمنعنا ذلك كذلك، وسيدنا يعقوب عليه السلام يمنعنا ذلك. أين ذلك؟ في القرآن. الله سبحانه وتعالى ذكر قول سيدنا جبريل عليه السلام لما يتكلم مع سيدنا إبراهيم، لما كان يتحدث معه، قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. فأجاب سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وهذا ابنه يعقوب عليه السلام من سلالة سيدنا إبراهيم عليه السلام، لما يتحدث مع أبنائه يقول لهم: يا بني اذهب فتحسسوا من يوسف وأخيه. تعالوا الأخبار، اطلعوا على أخبار يوسف عليه السلام وبنيامين عليه السلام. تحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. سيدنا إبراهيم عليه السلام قال: هذا الذي يدعي أن الله سبحانه وتعالى ليس برحمن وليس برحيم هذا ضال، وسيدنا يعقوب عليه السلام يقول هذا الذي يدعي بأن الله سبحانه وتعالى ليس برحيم وليس برحمن فهذا كافر لا يؤمن بالله أصلا سبحانه وتعالى. كأنك خذت أسماء الله سبحانه وتعالى وشطبتها وحذفتها وقلت فإذا جاء رجل قال لك الله سبحانه وتعالى رحمن الله سبحانه وتعالى رحيم وكأنك إذا كنت من القانتين كأنك قلت لذلك الشخص لا الله سبحانه وتعالى ليس برحيم وليس برحمن فكيف أي إيمان هذا؟ ولهذا سيدنا إبراهيم عليه السلام يقول هذا ضال وسيدنا يعقوب عليه السلام يقول هذا لا يؤمن بالله أصلا هذا. فلما الملك عليه السلام جبريل عليه السلام يقول سيدنا إبراهيم عليه السلام لا تكن من قانتين نحن الآن بشرناك بولد بشرناك بالحق بعد أن دعا ودعا ودعا كذا 60 سنة أو أكثر من ذلك يدعو سيدنا إبراهيم الله سبحانه وتعالى بشره بذلك بهذه البشرة الأولاد قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. فسيدنا إبراهيم يجيب ومن يقنط من رحمة ربه أنا أكون من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذا الذي يقنط من رحمة ربه لا يكون إلا ضال هذا لا يعرف ربه هذا. Donc il y a deux idées. On a développé deux idées. La première idée, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a parlé, al-mustaghfir, à celui qui demande pardon. Et dans un troisième point, on s'arrêtera pour comprendre qu'est-ce que veut dire vraiment linguistiquement al-istighfar. Parce que l'istighfar, c'est pas juste demander pardon. Ça serait trop simpliste. Et l'istighfar en langue arabe, il renferme d'autres sens qu'on verra juste après, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala, il a honoré al-mustaghfir, celui qui fait l'istighfar. Il l'a honoré, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a appelé par le terme et par le qualificatif ibadi, serviteur. Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé le mustaghfir, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on soit tous des mustaghfirin et des gens qui recherchent le repentir. Celui qui recherche le repentir et celui qui recherche l'istighfar, Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé adorateur. Et adorateur, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne dit pas pour n'importe qui, pour des gens ciblés, pour des gens de haute gamme, des gens qui ont fourni un effort. Quel effort? L'effort de la sincérité. C'est pour cela d'ailleurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de son prophète, il l'appelle Abdi, mon serviteur. Abdihi, son serviteur. Plusieurs fois dans le Coran. Et quand il parle de son, dans le début de Sourate Maryam, son serviteur, il dit mon serviteur Zakaria. Qu'est-ce qu'il faisait? Il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala sans que personne ne le voie. Il était isolé, dans un isolement, dans son isolement, il adorait Allah subhanahu wa ta'ala. Si ce n'est pas de la sincérité, ça, de se réveiller le dernier moment de la nuit, et ne serait-ce que 10 minutes ou un quart d'heure, et tu demandes pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est pas de la sincérité. Et là, tu rentres dans ce qualificatif, abdi, serviteur. Tu as cet honneur-là. L'honneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à ces gens de mustaghfirin. Allah subhanahu wa ta'ala, dans un deuxième verset, il parle à son prophète, il dit, « Qul, dis-leur, ya ibadi, mes serviteurs, alladhina asrafu ala anfusihim, qui ont abusé sur leur personne. » Parce que toi, quand tu fais des péchés, tu n'amoindris pas les richesses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'amoindris pas la force d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as aucun impact négatif sur Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu as un impact, c'est sur ta personne. Et si tu abuses, c'est sur ta personne. Et s'il y a quelqu'un qui est perdant, c'est bien toi. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas perdant. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le surat Fatir, « Ya ayyuhan nas, oh les gens, أنتم الفقراء إلى الله. Vous êtes les pauvres d'Allah. Si on va prendre mot à mot. والله هو الغني. والله الغني. Et Allah, c'est le riche. Nous avons besoin d'Allah. Et lui n'a pas besoin de nous. Après avoir vu cet honneur-là, toujours dans ce deuxième verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, mais ne désespérez pas. Il nous interdit de désespérer de sa miséricorde. Il nous interdit de désespérer de sa miséricorde. Et cette interdiction, c'est la même qu'on retrouve chez Jibril alayhi salam. Et on retrouve chez Ibrahim alayhi salam. Et chez Yaqub alayhi salam. Jibril, il dit à Sayyiduna Ibrahim, il lui dit, je t'ai annoncé la bonne nouvelle. Il lui a annoncé un enfant. Alors qu'il avait, invoqué Allah plus de 60 années pour avoir des enfants. Et quand Allah lui donne, donc quand il lui annonce la bonne nouvelle, à la fin de sa phrase, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, la takum min al-qanitin. Ne sois pas des gens désespérés. Vous savez, c'est quoi la réponse de Ibrahim alayhi salam, Khalil? Il dit, il répond à Sayyidina Jibril, il lui dit, wa man yaqratu min rahmati rabbihi illa ad-dallun. Il n'y a que des gens égarés pour être désespérés d'Allah. Et le petit-fils de Sayyidina Ibrahim, Yaqub alayhi salam, il dit à ses enfants, alors qu'ils vont chercher, non pas un fils, mais deux fils. Il a perdu à ce moment-là, quand il dit cette phrase-là, il a perdu deux fils. Et malgré ça, il a toujours espoir. Espoir en qui? En ses capacités? Aux gens? Aux détectives? Non, il a espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qu'il enseigne à ses enfants. Ya bani, en mes enfants, tahassasu, allez chercher des informations sur le sujet de votre frère. Mais avant, il a cité Youssouf alayhi salam. Il n'a pas juste l'espoir de retrouver cet enfant qu'il vient de perdre, mais même celui qu'il avait perdu dans le temps. Des années et des années avant. L'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ. Et ne perdez pas, il parle à ses enfants. Il dit, لَا تَيْأَسُوا. Ne perdez pas espoir en Allah. Car celui qui perd, qui désespère de la miséricorde d'Allah ne peut être qu'un mécréant. Comment c'est dur, mécréant? Ne crois pas. Et c'est logique. C'est comme si on prend les 100 noms d'Allah et tous les noms où il y a de l'espoir, on les raye et on les barre. On les accepte pas. Quel Allah commun nous avons dans ce cas-là? Nous n'adorons pas le même Dieu. Mon Dieu, il est pardonneur. Mon Dieu, c'est l'espoir. Mon Dieu, c'est la miséricorde. Mon Dieu, c'est la clémence. Si toi tu refuses, tu te le refuses à toi-même. Mais moi, mon Dieu, il est ainsi. بعدها في آخر الآية الله سبحانه وتعالى يقول لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله سبحانه وتعالى يغفر جميع الذنوب وهذا للعبد المسلم المخلص الموحد. أما الذي لا يؤمن بالله أصلا فهو لا يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب. والذي يشرك بالله سبحانه وتعالى يتخذ لله أندادا ويتخذ لله وساطة أو يتخذ لله وزراء يعينونه على شأنه هو, أولئك الله سبحانه وتعالى تحدث عنهم فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به. هذا الذي يشرك بالله إذا أراد غفران الله سبحانه وتعالى عليه أولا أن يتخلص من شركه وأن يتنظف وأن يتطهر, فإذا تطهر كان قابلا أن يأخذ من رحمة الله ومغفرانه. أما الذي لا يؤمن بالله أصلا فكان من المشركين, والذي هو مشرك لا يمكن له أن ينال قسطا من غفران الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. انظر إلى ألوان المعاصي كلها, الله سبحانه وتعالى يغفرها كلها إلا الشرك. الله نطلب المولى سبحانه وتعالى أن يحفظنا من الشرك. الله سبحانه وتعالى لما يتحدث عن الغفران والاستغفار والغفران علينا نحن أن ندري ما هو الغفران. الغفران في اللغة العربية جاءت من أصل ثلاثة أحرف, غفر. وغفر في اللغة العربية في الأصل هو الغطاء, تغطي أمرا. فما الذي تريد أن تغطيه؟ ماذا؟ ذنوبك. أنت تريد أن تغطي ذنوبك من ماذا أو من من؟ من الناس. أن تستر ذنوبك من الناس فقط؟ لا, بل أكثر من ذلك. أنت لما تطلب الاستغفار وتريد الغفران إنما تريد أن الله سبحانه وتعالى يغطي ذنوبك على غضبه وعلى بأسه وعلى نقمته وعلى شدته. لهذا الله سبحانه وتعالى قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. المستغفر لما يطلب الغفران من الله سبحانه وتعالى يطلب هذا وله حسر وندامة في نفسه, حسر وندامة, وينظر إلى ذنوبه بعين الندم, ثم بعد ذلك يطلب المولى سبحانه وتعالى أن يغطي ذنوبه وأن يزيل ذنوبه. ومن يغفر الذنوب إلا الله كما قال المولى سبحانه وتعالى في سورة آل عمران. الله سبحانه وتعالى il a évoqué à la fin du verset qu'on avait évoqué, à la fin Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, Allah il pardonne tous les péchés, tous quels qu'ils soient, mais pas n'importe qui. Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne les péchés de toutes les couleurs de péchés, par tous sauf par le mushrik, par l'associateur. Allah subhanahu wa ta'ala, à cette personne-là, il lui dit, je te pardonne pas le fait que tu aies associé à moi. C'est ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Certes, Allah n'admet pas et n'accepte pas et ne pardonne pas. Ne pardonne pas à celui qui fait l'associanisme. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège de l'associanisme. C'est le seul qui... Et si cette personne-là, qui était dans l'égarement ou qui est dans l'égarement, elle veut le pardon d'Allah, qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'elle se débarrasse avant tout de son associanisme, et à ce moment-là, elle pourra recevoir. Elle sera apte à recevoir quoi? Le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si elle n'est pas, si elle ne croit pas en Allah, l'unique Allah subhanahu wa ta'ala, qawlan wa fi'lan, dans sa façon de penser, mais dans tous les degrés. C'est-à-dire, ce n'est pas juste avec la bouche de dire Allah est unique, mais de le croire véritablement. Dans ce cas-là, Allah peut lui pardonner. Allah peut lui pardonner. Allah, on ne lui oblige rien, Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne peut obliger Allah subhanahu wa ta'ala. Allah peut pardonner à cette personne. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous pardonne. Ensuite, si on s'arrête un instant sur la définition de l'ghufran. Istighfar, ça vient de ghufran. Le ghufran dans la langue arabe, ça vient de trois lettres. La base de ce mot-là, le ghain, ghafara. Les trois lettres-là. Ces trois lettres-là, le premier mot qu'on en tire, le mot le plus proche, et le qui en sort en premier de ce champ lexical de ces trois lettres, le ghafara, c'est couvrir. Mais qu'est-ce qu'on veut couvrir quand on demande à Allah subhanahu wa ta'ala istighfar? Qu'est-ce qu'on veut couvrir? On veut couvrir nos péchés. On veut couvrir les péchés des yeux des gens? Non, plus que cela. On veut couvrir les péchés. Et on veut éloigner nos péchés. De qui? On a peur de qui? On a peur des gens? Non, on a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça dans le verset, Allah dit, annonce à mes serviteurs que je suis moi le grand pardonneur. Mais aussi à la fin du verset, il faut pas juste lire le morceau qui nous intéresse. Il faut lire tout le verset. À la fin du verset, Allah il dit, et que moi, j'ai le plus grand châtiment. Et que mon châtiment, c'est le pire des châtiments. Personne peut arriver et peut prétendre qu'il y a un châtiment plus grand que le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Impossible. Et personne peut imaginer un châtiment plus douloureux que le châtiment qui est réservé à ceux qui dévieront de la route qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège de l'enfer, nous et nos enfants et nos parents. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous pardonne, il nous couvre nos péchés. Il couvre les péchés de quoi? De son châtiment. Et il éloigne les péchés de quoi? De son châtiment. Et il élimine nos péchés de quoi? De son châtiment et de son malheur et de sa malédiction et de son insatisfaction. فإذا طلب الاستغفار هو طلب الله طلب المستغفر الله الوقاية من ذنوبه وفي الاستغفار ندم وفي الاستغفار تطلب الوقاية من شر ما مضى تنظر إلى الذنوب هذا ماضيك الأسود فتنظر إليه بعين الندم وتنظر إليه فتطلب المولى سبحانه وتعالى أن يستر ذلك الذنب فبالتالي الاستغفار هو النظر إلى ما مضى وتطلب الله سبحانه وتعالى المفارقة، أن تفارق الذنوب. الاستغفار مفارقة الذنوب. والتوبة ماذا؟ التوبة هي الرجوع والإنابة، طريق واحد، ولكن أول الطريق استغفار وبعده توبة. وفرق بين الاستغفار والتوبة. يقرأ قوله سبحانه وتعالى لما يذكر سيدنا صالح عليه السلام، هو يذكر سيدنا هود عليه السلام، هو يذكر سيدنا شعيب عليه السلام، ماذا يقولون؟ يقولون فاستغفروا ثم توبوا إليه، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. فرقون الأمر، يقولون لقومهم استغفروا ربكم، هذا قول نوح عليه السلام، وسنستدرج هذه الكلمة إن شاء الله فيما بعد. يقولون لأقوامهم الاستغفار ثم التوبة، الاستغفار ثم التوبة. بداية التوبة بالاستغفار، أن تنظر أولا إلى ذنوبك، انظر أولا إلى ذنوبك، إلى صفحتك السوداء، تنظر إليها بالندم وبالحسرة، فتطلب المولى سبحانه أن تفارق الذنوب، هي الأولى. ثم بعدها الرجوع، تنظر للمستقبل، فتريد مستقبلا زاهرا، وتريد مستقبلا بدون الذنوب والمعاصي. أما الاستغفار تنظر للوراء، تنظر للماضي، والتوبة الرجوع والإنابة، طريق واحد، ولكن بداية الاستغفار. اللهم ارزقنا الاستغفار والتوبة إن شاء الله. والاستغفار والتوبة ليس لكبائر الذنوب أو للضالين، بل هذا لجميع المؤمنين. العبد المسلم المؤمن، اللهم اجعلنا من المؤمنين، يدور هو حائر بين أمرين، يدور بين أمرين، نعمة من الله وذنب منه هو. هذه النعمة التي أتت من المنعم سبحانه وتعالى جل جلاله عما نواله، تحتاج إلى شكر، تحتاج إلى شكر. وهذا الذنب الذي صدر مني يحتاج فيه إلى مغفرة. هذا الإنسان العادي. أما العارف بالله هو حائر أكثر فأكثر، الذي يعرف الله سبحانه وتعالى، اللهم اجعلنا من العارفين بالله سبحانه وتعالى. العارف بالله حائر أكثر فأكثر، حيث أنه ينظر إلى نعمة الله، وينظر إلى ذنوبه، فلما ينظر إلى نعمة الله وينظر إلى شكره لنعمة الله سبحانه وتعالى، ينظر إليها، فلما يدقق النظر يجد أنه لم يوافي نعمة الله سبحانه وتعالى، لم يستوفي شكر الله نعمة الله سبحانه وتعالى. شكره هذا لا يكفي، ينظر إلى شكره، ينظر إلى صلاته وصدقاته وأخلاقه، وينظر إلى نعمة الله سبحانه وتعالى، فيقول في نفسه وكيف لي أن أدفع لهذا كله، كيفاش غادي نخلص هذه النعمة كلها، ومن أين يأتيني كل هذا؟ فلما ينظر إلى شكره يأتيه الندم، ويأتيه التقصير، إحساس بتقصير، مع أنه يصلي ويزكي وله أخلاق طيبة وله أولاد طيبون، ولكن مع ذلك لو إحساس بتقصير. هذا العارف بالله، اللهم اجعلنا منهم، عارف بالله له إحساس بالتقصير. وهذا مستمد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج مسلم رحمة الله عليه رحمة الإمام مسلم رحمة الله عليه رحمة واسعة ورفع الله مقامه، قال إن النبي، ذكر ذلك في صحيحه، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال، من يتكلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول؟ يقول إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله أكثر من 100 مرة. إنه ليغان على قلبي، كلمة غريبة، يأتي الإمام النووي رحمة الله عليه رحمة واسعة ويفسر لنا ما معنى كلمة إنه ليغان على قلبي. فيقول الإمام النووي رحمة الله عليه رحمة واسعة ورفع الله مقامه، يقول إنه ليغان على قلبي بمعنى إنه لا تصيبني الغفلة. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، ولكن مهلا مهلا، غفلة النبي صلى الله عليه وسلم ليست غفلتنا نحن. فيفسر ذلك النووي ويقول، نفسر نشرح بعد ما معنى الغفلة. الغفلة حالة ضعف أو حالة ضعف، لأن رواية ورش قالت ضعف ورواية حفص قالت ضعف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. والإمام حفص رحمة الله عليه رحمة واسعة رفع الله مقامه وقال، ولم يقل بل أخذ روايته من النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فقال، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فالغفلة حالة ضعف تسقط صاحبها في ألوان المعاصي، هذه الغفلة. حالة ضعف تسقط صاحبها في المعاصي والذنوب، هذا أنا وأنت. أما النبي صلى الله عليه وسلم حاشا، بعيد من المعاصي، لأن الغفلة قسط من المعاصي. إذا قلت غفلة قلت معاصي خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم غفلته لها شكل آخر، وهذا ما يقوله النووي فيما بعد في نفس الجملة، يقول حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يفتر عن ذكر الله ويفتر عن طاعة الله، لما يكون في هذا الحال له إحساس بالذنب. النبي صلى الله عليه وسلم لما يفتر عن ذكر الله، لما يفتر بمعنى يقطع، يسكت لسانه عن ذكر الله وتسكت جوارحه عن طاعة الله سبحانه وتعالى، له إحساس بالتقصير. وهنا كما قلنا العارف بالله استخرج ذلك من هذا الحديث. فلما النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق، وهو الذي أجاب لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، أولا أكون عبدا شكورا؟ أما قالت له وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فأجابها بماذا؟ أولا أكون عبدا شكورا، الشكر. فالنبي عليه الصلاة والسلام مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ماذا يفعل؟ يستغفر المولى سبحانه وتعالى لما يسكت عن طاعة الله، لأنه وكأنه في نفسه ضيق لما يسكت عن طاعة الله، ويسكت عن ليس عن طاعة الله، يسكت عن عبادة الله، أما هو دائما طائع للمولى سبحانه وتعالى، وحاشاه أن يصير. وكلما عرفت je vais traduire cette partie là, excusez-moi je vous ai un peu oublié les francophones. Donc l'istighfar, l'abd, l'adorateur, il est entre deux murs. Premier mur, c'est les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'autre côté, c'est le mal qui provient de sa personne, ses péchés. Ses péchés, ils ont besoin d'istighfar, ils ont besoin d'être couverts, d'être éloignés et d'être enlevés. Alors que les bienfaits d'Allah, ils nécessitent un remerciement. Mais il y a des gens encore qui sont encore dans une autre situation. Ils ont eux-mêmes ces deux murs-là. Ils sont entre ces deux murs-là et ils ne savent pas comment réagir. C'est ceux qui connaissent Allah subhanahu wa ta'ala. Ils voient d'un côté, ils ont un problème, ils ont des péchés. Et de l'autre côté, ils voient des bienfaits Mais quand ils regardent leurs remerciements, ils le trouvent peu. Et quand ils trouvent leurs remerciements peu, qu'est-ce qu'il se passe? Ils regardent ces deux murs-là, ils sont gênés. C'est-à-dire que quand ils remercient Allah, quand ils finissent de remercier Allah, ils reprennent leur istighfar. Ils demandent pardon à Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils font l'istighfar. On ne va plus dire pardon à partir de maintenant. On sait ce que ça veut dire istighfar maintenant. Dès qu'ils finissent de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour les bienfaits qui leur a été fournis et donnés, ils rentrent dans l'istighfar, dans ce monde de l'istighfar. Et tout cela s'est tiré du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans Sahih Muslim, il est évoqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: quand je suis touché par l'insouciance, j'évoque Allah plus de 100 fois. Et dans d'autres hadiths, plus de 70 fois. Et une image pour nous dire beaucoup. Et quelle insouciance! Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est touché. C'est un hadith qui est sahih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est touché par une insouciance. C'est ce que nous explique An-Nawawi rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. An-Nawawi nous dit: l'insouciance par laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam est touché n'est pas notre insouciance à nous, mais c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il estime que le fait de s'arrêter d'adorer Allah, d'être en adoration, et de s'arrêter d'évoquer, que sa langue s'arrête d'évoquer Allah, il estime pour sa personne, non pas sur sa communauté, un péché. Il estime que c'est un péché pour sa personne. Et là, on voit la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il dit, Nawawi, il dit, non pas pour sa communauté, mais juste pour lui. C'est-à-dire que lui, il a mis la barre très haute, tellement haute, qu'il est devenu le maître et le professeur, et à nous de le suivre. Si on veut répondre à notre fonction première, qui est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, on se doit de suivre notre modèle, de faire tous les efforts possibles pour essayer d'arriver à notre prophète, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accepte et nous fasse rapprocher de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وكلما عرفت ربك عظمته اكثر فاكثر هذا ما جاء في قوله ما جاء في سوره نوح عليه السلام لما تحدث سيدنا نوح عليه السلام وقال لقومه فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا وبعدها قال ما لكم لا ترجون لله وقارا بعد تقريبا ثلاث آيات أربعة آيات ما لكم لا ترجون لله وقارا أولا المفسر ابن عاشر رحمة الله عليه رحمة واسعة لما ذكر قول الله سبحانه وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا قال هذه الكلمة أي فقلت استغفروا ربكم هي التي كان يقولها ليل نهار لأن في مطلع سورة نوح ماذا يقول سيدنا نوح عليه السلام إني دعوت قومي ليلا ونهارا ماذا كان يقول لهم كان يقول هذه الجملة في وسط سورة نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا وفي نفسي وفي جملة هذه الأفكار آخر الأفكار الرئيسية ماذا يقول ما لكم لا ترجون لله وقارا يفسر ذلك ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يفسر قول الله سبحانه وتعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا فيقول ما لكم لا تعظمون الله حق تعظيمه وما لكم لا تخافون بأسه ونقمته نقمته عكس النعمة الله سبحانه وتعالى ينزل عليك النعم ألا تخاف أن تزال تلك النعم عنك ألا تخاف ذلك فالمستغفر ولا يخاف هذا لأن يعظم الله سبحانه لأنه يعظم المولى سبحانه وتعالى جل جلاله محمد وهنا نرى في هذه الآيات علاقة الاستغفار بعظمة الله سبحانه وتعالى اللهم ارزقنا عظمة الله في قلوبنا Il y a une relation entre la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'istighfar. Celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala et qui l'apprécie, qui l'estime, la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus apte et plus enclin à faire l'istighfar. Et celui qui ne donne pas d'estime et il ne donne pas, il n'estime pas Allah à sa juste valeur, comme il est, comme il dit le verset وَمَا قَدَرُ اللَّهِ حَقَّ قَدْرِهِ سَبَبْ نُزُولِ هَذِي الْآيَةِ هي لها أسباب كثيرة ومن أسبابها أن رجلا من اليهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بكرسيين من عود من خشب فقال له كيف هو كرسي ربك هكذا أو هكذا فقال الله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره donc ceux qui n'estiment pas Allah à sa juste valeur ceux qui estiment pas Allah à sa juste valeur, ils n'ont pas le goût et l'appréciation de l'istighfar. Ils ne voient pas l'intérêt de l'istighfar. Et quand je dis une personne qui n'estime pas Dieu, ça me fait penser à un verset. Le verset dit « Wa ma qadarullah qaqadri » Ils n'ont pas estimé Dieu à sa juste valeur. Et parmi les causes de révélation de ce verset, c'est possible qu'un verset il ait plusieurs causes de révélation. Et qu'il est descendu, qu'il soit descendu plusieurs fois. Parmi les causes de révélation de ce verset, qu'un homme des Ben Israël, des enfants d'Israël, est venu et a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu avec deux chaises de bois. Et il lui a dit, comment est le trône de ton Seigneur? Comme celui-ci ou comme cela? Et Allah a descendu ce verset, « وَمَا قَدَرُ اللَّهِ حَقَّ قَدْرِهِ » Ils n'ont pas estimé Dieu à sa juste valeur. La personne qui estime Dieu à sa juste valeur, il sera enclin à entrer dans ce monde de l'istighfar. Et il va apprécier l'istighfar à sa juste valeur. Mais la personne qui est loin de ce monde ne trouvera pas d'intérêt à l'istighfar. Il ne verra pas l'intérêt de l'istighfar. Dans ce verset que Sayyidina Nuh alayhi salam, il a dit, donc on a vu la relation qu'il y avait entre l'istighfar et la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, il s'arrête sur le verset fa'lam. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit فَعْلَمْ sache أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ qu'il n'y a pas de divinité à part Allah وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ il demande l'istighfar pour tes péchés, mais pas que pour toi, et pour toi, pour les croyants et les croyantes. Toi, tu fais du'a pour les enfants des autres, Allah, il protège tes enfants. Tu fais du'a, par exemple, tu es dans une assise, on est en train de prier, l'Isha, tu fais prier, tu es dans du'a, tu fais une invocation, tu dis, Allah, tous les gens qui sont présents ici, protège-les, protège leur famille, donne-leur, facilite leur risque, facilite leur dunya al-akhira, facilite leur, enlève de leur... face à eux les problèmes Allah il t'enlève tous les problèmes devant toi parce que toi tu veux le bien pour les autres et toi t'es mokhlis et là tant que tu rentres dans le cadre de abd de serviteur ikhlas ubudiyya quand tu es vous et quand tu es sincère automatiquement l'équation elle dit que tu es abd tu es serviteur et quand tu fais une invocation pour ton frère alors que tu ne le connais pas tu sais pas qui est à l'autre bout du rang tu fais du dua pour lui Allah il accepte et il te donne toi la même chose ce que tu veux pour les gens Allah il te le donne et Ibn Taymiyyah il sort de ce verset là il dit le meilleur éloge qui puisse être fait pour Allah c'est la ilaha illallah et il dit le meilleur invocation qu'on puisse faire c'est astaghfirullah c'est ça qu'il sort de tout ce verset ce magnifique verset sache qu'il n'y a pas de divinité à part Allah et demande l'istighfar à cause de tes péchés pour toi pour les croyants pour les croyantes et dans le verset la suite elle nous fait méditer la suite elle dit sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala il connaît tous vos déplacements et il connaît toutes vos situations on rentre dans le muraqaba Allah subhanahu wa ta'ala il est avec nous et là on rentre dans et si on a le goût on a l'appréciation et l'estimation de le muraqaba c'est à dire que le fait de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala est toujours avec nous alors dans ce cas là on est des muhsini les bienfaisants il y a les muslimis au dessus il y a les croyants au dessus il y a les muhsini que tu adores Dieu comme si tu le voyais sache que si tu ne le vois pas lui te voit al-muhsin C'est lui qui a pris le meilleur moment pour faire l'istighfar. Al-Muhsin. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de Al-Muhsin dans surat Dhariyat. Il nous dit, ils sont rentrés au paradis. Il nous dit, vous savez pourquoi ils sont rentrés au paradis? Et il nous évoque toutes les actions qu'ils ont fait pour mériter leur place au paradis. Et Allah, il cite, وَبِلْ أَسْحَارِ, le dernier critère qui les a fait rentrer au paradis, وَبِلْ أَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوا. L'ashar, c'est comme on dit, Ramadan, Suhoor, c'est juste avant, c'est le dernier moment où on se prépare, où on mange avant le Fajr, mais il y a un temps entre Suhoor et le Fajr, l'ashar. وَبِلْ أَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوا. À ce moment-là, mais on a oublié une chose importante. Ce n'est pas juste qu'ils ont demandé pardon. Ils ont fait quelque chose avant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient en adoration, ils étaient en prière. Le Mohsini. Là, on ne parle pas des musulmans, on ne parle pas des croyants, on parle des bienfaisants de Mohsini. C'est le niveau au-dessus. Ils étaient en prière. Et quand ils ont fini leur prière, ils ont prié le dernier tiers de la nuit, la moitié du tiers de la nuit. Et à la fin, après avoir fait cette belle chose, ils n'ont pas gonflé d'orgueil. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'ils ont demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Car ils savent pertinemment que ce qu'ils ont fait là, c'est rien. C'est rien par rapport au bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite rien de l'air. Ne serait-ce que 5 minutes ou 10 minutes de temps en temps. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite le fait de prier pour Allah dans le dernier tiers de la nuit. Qu'Allah il nous choisisse. Maintenant, je vais évoquer deux points. Adhkuru amri. Je vais évoquer le premier point. C'est quand qu'on doit faire l'istighfar. Et le deuxième point, qu'est-ce qu'on gagne? C'est quoi le bénéfice maintenant? Si moi je fais l'istighfar, qu'est-ce que je gagne tout de suite? Avant Yom Kiyam, parce que Yom Kiyam, bien sûr tu vas gagner, tu vas avoir des récompenses. Là tout de suite, qu'est-ce que je gagne si je fais l'istighfar? Mais la première question, c'est quand que je fais l'istighfar? Je fais l'istighfar quand je fais un péché. Juste après un péché, quand je viens de faire un péché et que je me réveille. Je viens de sortir de la refla. La refla, c'est une situation où on est une proie facile pour toutes les couleurs du péché. Où on devient aveugle et on tombe dans des trous, dans des péchés qui sont dissimulés dans notre route. C'est ça le refla. Et le refla, concrètement parlant, c'est quand on met Allah subhanahu wa ta'ala, son prophète et la religion de l'islam, on la met en deuxième plan. Ça veut dire que quand ton damir ijabi, quand ton côté positif, il vient pour te rappeler à l'ordre et pour te ramener, pour te dire non, mais ce que tu fais, qu'est-ce que dit l'islam sur cette situation? Qu'est-ce que dit l'islam sur cette chose? Tu lui réponds, oui, laisse ça plus tard, on verra ça plus tard. C'est là, quand tu es dans cette situation, sache que tu es dans la refla. Et si tu es dans la refla, tu dois t'en sortir. Et c'est à ce moment-là que tu dois faire. لما تكون في الغفلة هذا موطن من مواطن الاستغفار هنا يكون الاستغفار لتستفيق من نومك ولتبتعد من جند من جنود النفاق والغفلة ومن جنود النفاق الغفلة فالاستغفار يكون بعد المعصية الله سبحانه وتعالى يقول وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. وفي آية أخرى وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. بمعنى أنهم لن يعودوا لمثل هذا الذنب وهم يعلمون. وخير وقت للاستغفار ذكرناه هو بالأسحار. ثم الآن بقي الأمر واحدا. Donc, il y a trois endroits où on doit faire istighfar après le péché. Dès qu'on fait le péché. Allah subhanahu wa ta'ala, il a gratifié les gens qui, juste après le péché, ils se réveillent et ils demandent pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils demandent istighfar, pas pardon, al-istighfar. Ils demandent istighfar à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils rentrent dans ce monde de l'istighfar. Allah, il les a gratifiés, il les a nommés dans le Coran. Et le deuxième cas de figure, la personne qui est dans le rafla, l'état qu'on a dit, l'état de l'insouciance. Quand on tombe dans l'insouciance, on se doit de se réveiller, d'essayer des électrochocs, d'essayer de se réveiller pour s'éloigner de la, pour se réveiller de cette insouciance. Et enfin, le meilleur moment, on l'a cité, c'est al-ashar. C'est avant salat al-fajr. Donc ça implique qu'on se réveille pour le fajr. C'est logique. Et donc maintenant, moi, la question qui m'intéresse, qu'est-ce que je gagne, moi, tout de suite? Si je fais l'istighfar, c'est quoi le bénéfice que j'ai moi maintenant, avant Yawm al-Qiyam, avant le jour du jugement dernier, avant le Jannah, tout de suite, qu'est-ce que je gagne? Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité les bienfaits de l'istighfar. Allah subhanahu wa ta'ala, dhakara anna al-mustaghfira ma'foun ou ba'idun min azabillah. Allah subhanahu wa ta'ala قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ضمن أول النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيننا لن تسقط أو لن يسقط علينا عذاب، لن يأتينا عذاب، مستحيل، النبي صلى الله عليه وسلم معنا وهو ضمان. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيننا الآن. الضمان الثاني الاستغفار. الله سبحانه وتعالى يقول بعدها وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اللهم اجعلنا من المستغفرين. إذا أردت المال عليك بالاستغفار، إذا أردت المطر إذا أردت المطر عليك بالاستغفار، إذا أردت جنة في الأرض عليك بالاستغفار، إذا أردت الأولاد أكثر من الاستغفار. وهذه كانت فتوى في جميع أقطار البلدان الإسلامية عبر العصور. الناس يأتون الآن إلى الآن في دار الفتاوي في جميع البلدان الإسلامية، نحن الآن ما عندنا أولاد، ماذا عسانا أن نفعل، ماذا نفعل، نذبح ولا ماذا نفعل؟ فيقول لهم استغفروا ربكم. ومن أين لهم هذا؟ من قوله سبحانه وتعالى لشهادة سيدنا نوح عليه السلام، لكلام سيدنا نوح عليه السلام لما يذكي قومه فيقول له يرسل السماء عليكم مدرارا، قبلها فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. اللهم ارزقنا مرتفعين، اللهم ارزقنا عظمة الله في قلوبنا. وأخيرا الله سبحانه وتعالى ذكر كذلك بأن الذي يستغفر ربه سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يزيده قوة على قوته، قوة في بدنه وقوة في أسرته وفي أولاده وفي عائلته، قوة. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، الله سبحانه وتعالى يقول فيها يزيدكم قوة إلى قوتكم. سي سامبل لي بينيفيس دو الاستغفار. الله سبحانه وتعالى nous protège de son châtiment automatiquement. Tu es en istighfar, sache que tu es protégé de châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu fais l'istighfar, sache que tout ce que tu veux, Allah subhanahu wa ta'ala il te le donne. C'est ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ja'alallahu li kulli هم فرج من كل ضيق مخرج ورزقه من حيث لا يحتسب. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا تعلموا سيد الاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا فيقول تعلموا سيد الاستغفار، لأن الاستغفار ألفاظه كثيرة وعديدة ومديدة، أقلها أن تقول أستغفر الله. ولكن ما هي أعلاها؟ النبي صلى الله عليه وسلم معلمنا أسوتنا يعلمنا فيقول تعلموا سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك، أعترف أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا حديث صحيح، تعلموا سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم اغفر لنا ذنبنا. النبي صلى الله عليه وسلم il nous dit dans ce hadith apprenez le maître de l'istighfar. Parce que l'istighfar, il y a plusieurs couleurs. Le plus simple, de dire astaghfirullah, je demande l'istighfar à Allah. Mais le meilleur, parce que moi et toi, maintenant, on est dans une recherche de l'istighfar. On veut l'istighfar. Non, on veut le meilleur de l'istighfar. C'est pour ça que le prophète il dit apprenez le maître de l'istighfar. Et c'est cette parole que je viens de citer. Dans cette parole, il y a l'éloge d'Allah, il y a la reconnaissance. Tu reconnais les bienfaits d'Allah, tu reconnais ton péché, et tu reconnais qu'il n'y a personne, et tu reconnais l'unicité, et tu reconnais qu'il n'y a personne qui va effacer ton péché à part Allah. Et à la fin, tu lui demandes qu'il t'efface ton péché. C'est ce que dit Ibn Taymiyyah dans le verset qu'on avait cité tout à l'heure, il en sort une règle. Il dit, le meilleur éloge que tu puisses faire à Allah, c'est quoi? C'est la ilaha illallah. Et le meilleur dua que tu puisses faire, c'est quoi? Astaghfirullah. Il est venu dans le hadith sahih. Je vais vous citer. Hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-mas'alatu. Man idha kana ladayka su'al. Talab. Turid shay min al-mawla subhanahu wa ta'ala. Al-mas'alatu. An tarfa'a yadayka hadwa mankibayk. Madame Mustawa mankibayk. Wal-istighfar. An tushira bi usbu'in wahidatin. Kama jaa fi ibarat al-hadith. Bi usbu'in wahidatin. Hakada jaa fi ibarat al-hadith. Bi ta'anith. Usbu'in wahidatin. ثم والابتهال، ابتهال هو الدعاء الحار، مثلا ولدك وقع له شيئا، أو أنت أصلا ممكن أنت وقع لك شيء تخاف فتبتهل المولى سبحانه وتعالى، يقول يعلمنا كيف هو الابتهال. والابتهال أن ترفع يديك، أن تمد. الابتهال هو في عبارات مختلفة في نفس معنى الحديث، تمد يديك جميعا، تمد يديك جميعا. Donc l'impact de l'istighfar, l'impact direct, on a cité toutes ces choses qu'on a, c'est-à-dire que le châtiment il ne tombe pas sur nous, si on veut un bien on l'a, si on a un problème on fait l'istighfar. Ibn Taymiyyah il dit inni la tas'ubu alayya al-mas'ala fa astaghfirullah alf marra fa yaftahu Allah li. Ibn Taymiyyah, tu lui poses une question, il te donne 10 réponses, machin. Ibn Taymiyyah, répond, il dit quoi? Il dit, il arrive des fois que je trouve pas de réponse. Blocage. Et je fais l'istighfar 1000 fois, et quand je fais l'istighfar 1000 fois, Allah, il ouvre les portes. On demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous ouvrir les portes de l'istighfar. Et pourquoi on parle de l'istighfar? Ce n'est pas juste de la théorie. On doit passer de la théorie à la pratique. Si on reste juste sur la feuille, c'est bien beau, c'est un beau discours, mais quel est le... Et après, qu'est-ce qu'on a gagné? L'objectif d'être assis aujourd'hui et d'avoir parlé de l'istighfar, c'est un, de reconsidérer l'istighfar dans notre esprit, de savoir quand l'utiliser et de l'utiliser. Et de savoir, c'est-à-dire que quand toi tu l'utilises et tu sais les bienfaits de l'istighfar, ce n'est pas comme si tu l'utilises avec ignorance. Non, tu l'utilises avec science. Maintenant, on va pouvoir utiliser l'istighfar avec science et avec goût. Et on sait la récompense qu'on aura si on fait l'istighfar. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et nous choisisse pour qu'on soit des mustaghfirin, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des gens qui demandent l'istighfar à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Je finis avec un verset. أنت أبي آية واحدة الله سبحانه وتعالى إيش حلقة من الوقت 14 ما شاء الله الله سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيله في سورة طه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى بمعنى أخذ بأسباب الهداية. هو في عالم الأسباب، حتى الهداية لها أسباب. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset juste avant la moitié du chapitre 32 de sourate Taha, Allah subhanahu wa ta'ala il dit: inni la ghaffar, je suis pardonneur, grand pardonneur. On rajoute grand parce que dans ghaffar il y a ce qu'on appelle sirat al-mubala, c'est-à-dire les choses en grand, si on veut schématiser. Donc la ghaffar, Allah il dit: inni la ghaffar, je suis grand pardonneur, liman tab, celui qui s'est repenti, وآمن, et qui a cru, وعمل صالحا, qui a fait les bonnes actions. Et quand on dit faire les bonnes actions, les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala il veut, c'est-à-dire les obligations, puis si tu veux faire autre chose, libre à toi de faire plus. Et plus tu feras, plus Allah il t'aimera, comme il est cité dans le hadith sacré, hadith qudusi. Allah subhanahu wa ta'ala il dit à son prophète, et son prophète il nous le dit avec ses propres mots, et il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah a dit qu'il n'y a rien qui est plus aimé d'Allah que l'obligatoire. Et plus la personne, elle fait dans le surrogatoire, dans ce qui n'est pas obligatoire, et dans ce qui est dans la route du bien, alors Allah l'aimera. Et plus tu feras du bien, et plus Allah t'aimera. Plus tu feras nawafil, c'est ça, c'est ce mot qui est cité. Nawafil, c'est surrogatoire. En prime, c'est les prières surrogatoires. Mais ça peut aussi s'abattre sur les autres actions de bien, les autres couleurs de bien. Et donc dans ce verset, il dit: je suis pardonneur, les grands pardonneurs, l'iman tab, pour celui qui s'est repenti, pour celui qui a cru, pour celui qui a fait la bonne action, et qui a pris les causes de la guidée. On est dans un monde de causes, même la guidée a ses causes. Et aujourd'hui, on évoque un sujet qui est un sujet d'imaniyat, de foi, qui a un rapport avec la foi. Et c'est un sujet qui est important. Pourquoi? Parce que si on fait l'istighfar, si on fait beaucoup l'istighfar, il se passe une chose. Il se passe que on ne peut pas être un hypocrite. Vous imaginez? Tu es protégé de l'hypocrisie. Parce que la définition qui est donnée de l'hypocrisie, on avait fait une fois une parole sur l'hypocrisie, on avait regardé les caractéristiques détaillées dans le Coran et dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je vous avais évoqué un verset qui parle de le munafiq. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle du munafiq dans sa prière. Et il dit dans la prière, وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Il n'évoque Allah que très peu, le munafiq, dans sa prière. Ça veut dire que dans sa prière, s'il n'évoque Allah que très peu, il ne fait que le strict nécessaire, est-ce que dehors il évoque Allah? N'évoque pas Allah, c'est logique. Donc si moi et toi on fait l'istighfar, on est protégé de nifaq. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège de nifaq. Donc le sujet d'aujourd'hui, donc il est terminé. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter pour passer de la théorie à la pratique. Et libre à ceux inshallah qui veulent refaire l'audo ou autre. Barakallahu fikum ala husni istima'ikum. وتقبل الله منا ومنكم سائر المسلمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يكفرك، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير فاتنين ولا مفتونين. نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين. نطلب الله سبحانه وتعالى de nous faciliter dans notre religion. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de guider nos enfants. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala que nos enfants ils aiment le Coran, ils aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils aiment la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de protéger nos maisons, qu'il fasse que dans nos maisons yutlafi al-Qur'an, le Coran soit lu, étudié, tudra sufi hadith al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam soient lus, éludés, étudiés, appliqués. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nos maisons min al-sihr, la sorcellerie, min al-shar, toutes les couleurs du mal, min al-hasad, de la jalousie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège, nous et notre famille, notre maison, de l'œil, de l'aïn. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne husn al-khatima, une bonne fin. Parce que tout se joue à la fin, dernier moment. Et comme on ne sait pas comment on va mourir, donc c'est pour ça qu'on fait le maximum d'efforts. Comme ça, quand la mort viendra, on sera fin prêt, Inch'Allah. Et donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner une bonne fin, de mourir en adoration. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner une génération meilleure que la nôtre et qui va élever la voie de l'islam, la voie propre, la voie sincère, la voie de paix de l'islam. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner le goût du Coran, le goût et le délice de la prière et le goût et le délice de l'istighfar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.